Ouais, ouais. Ça c'est sous Espina et puis devant un compas. Ouais, ouais, ouais. Qui Oh. C'est d'accord. Bon. Musique, musique qui va jouer là. Musique, musique qui va jouer là. Baron Théâtre.